Bien que c'est pas interdit qu'un enfant joue au ballon, c'est même des fois un bien si tu vois que c'est un enfant, l'enfant il a besoin de jouer, de distraire. Mais là, le but c'est quoi? C'est pas de distraire un enfant, là. Là, c'est de former un talibélem. Donc, c'est bon, de, genre d'exemple, si vous pouvez s'en passer, ce serait mieux. Non. L'enfant a mémorisé le cours, la fille a mémorisé le cours. ركيب الولد الدراجة ركيبة الو... ركيبة البنت بنت الدراجة عيد ركيبة البنت نعم الدراجة l'enfant est monté sur le vélo, la fille est montée sur le vélo. طبخ الولد الطعام طبخت البنت الطعام. Non, l'enfant a cuisiné la nourriture et la fille a cuisiné la nourriture. Tabakha, c'est que j'ai cuisiné. Tassalam al-walad al-takir. Tassalam ti. Là. T'as juste un tassato. Tassalamati. Tassalamati al-bintu. Non. Tazkira. Le garçon a reçu le billet et la fille a reçu le billet. Hein? Pourquoi on n'a pas mis une soukoune là sur le mime, comme les autres? Par exemple, Hafiz. Hafiz, on a dit. Attends. Hafiz, il n'y a pas de soukoune? Ah non, je suis en fou. Ça a bien? Hajjaz al-walad al-makan. Non, l'enfant, le garçon a réservé la place, la fille a réservé la place. Saminan. Shahada al-walad manazir. Manazir. Shahadati bintul manazir. Manazir. Manazir, tayyib. طيب أطاع الولد الأب الأفاو بيو فيها كيف تقول بالبنت أطاعتي البنت الوالد الأب والوالد والوالد الأب. طيب ساعد الولد الأم. سعادة سي ايدي. طيب لونفون ايدي لا مير. سعادتي البنت الأم. الأم. نعم. نصح الأب الولد. Le père a conseillé l'enfant. Maintenant je veux que tu mettes le féminin de أب. نصحت الأم الولد. نعم. رب الأب الولد. Le père a éduqué l'enfant. رب يربي c'est éduquer. ربتي البنت. لا. رب الولد. لا. قلنا رب الأب لأنه إن. فمن هذا الأب سكي رب الأم ربت الأم الولد. نعم مثلا ça surplus bien sûr que t'es pas dans le livre, ça aurait été bien qu'il y aurait ce genre d'exemple dans le livre. طيب ثانيا حول كما في النموذج. طيب transforme comment l'exemple رب avec un alif مكسور en forme de ya. La mouzaj. Ushahidu al-manazir. Shahadu al-manazir. Donc là maintenant, il met le mudari et le mardi avec ana. Qu'est-ce que tu as dit? Ma damir, ana. Donc, ushahidu, c'est je regarde ou je contemple les paysages.